DJ, tout jeep, ya, rime de sang froid, ya, c'est notre vie, ya, ok, ok, ok. Hey mec, marque comment je rime avec le sang froid. Dans mon dos, ton héros du groupe, rime de sang froid. Écoute-toi, sur ce son, je te raconte ma vie. Avec toute la haine arrivée de Bosnie. Hey l'ami, tu veux savoir comment ça se passe là-bas? Le plus fort crasse, c'est le faible, reste en bas. On t'abat à coups de balle pour un bout de pain. C'est vrai que ça crame, mais faut que tu manges pour voir demain. Manu, envolé dans ces putains de rues. Si jeune mais si perdu, faut que tu trouves une issue. Trop déçu du destin et de tout mon vécu. C'est parti pour la France pour toucher un revenu. Et maintenant je suis là, je m'investis dans tous les sens. Je veux réussir, n'importe comment pour oublier mon enfance. En transe, je maîtrise ce putain de pire, je le déteste. Voilà mes convictions, c'est la fin de ce texte. C'est la vie, on l'a pas choisi, on vit ce qui nous est prescrit. C'est la vie, s'en sortir par n'importe quel moyen, c'est notre esprit. C'est la vie, dans nos cœurs la dictature de la haine nous affaiblit. C'est la vie, établi contre ce pays, a créé des conflits. Je libère ma colère, plus de joker après l'échec scolaire. Quand j'opère, tout qu'on perd, tolère mon vocabulaire. Son coco au père émissaire, d'une chanson populaire, des rimes sincères. De notre dream team que des titulaires. On grimpe dans votre estime au mic, une chaleur caniculaire. Par mes textes je prie, je suis encore loin d'être une lumière. Sans prétexte je crie, j'écris pour assurer mes arrières. Je prie qu'aucun de mes potes ne passe de l'autre côté de la barrière. Je reste obsédé, l'idée de bosser un jour sur un CD. Possédé par la magie du texte et ses procédés. J'aurai un CD concédé, de peur de décéder, bien plus qu'une nécessité, vite balancer mes idées en toute simplicité, faire monter l'intensité, c'est dans nos capacités, on rappe avec vivacité, on recherche la qualité, des textes pleins de musicalité, sortir de la banalité, au mac faire l'unanimité. C'est la vie, on l'a pas choisi, on vit ce qui nous est prescrit. C'est la vie, s'en sortir par n'importe quel moyen, c'est notre esprit. C'est la vie, dans nos cœurs la dictature de la haine nous affaiblit. C'est la vie, établi contre ce pays, a créé des conflits. Tout dit prime de sang froid, salement attendu. La rue nous a tendu, les mains trop tendues. Les pédants nous sommes tombés, trompés. Comme par l'amour à d'un attentat, on tendu. Ma mère qui scandale, quand je reste en bas. Pour elle c'est mal, ce que les autres pensent sur moi tout pas. Mais moi sérieux je vais te dire, je m'en bats, je m'en bats. Quand j'ai qu'un bar et que ce soir dans moi, tant pour me mettre quelques mandales. J'ai le mental résistant, persistant. Quand on les fouilleurs s'emballe, la rage en moi résident. Quand je vois les jurés, ma vie s'étale. Jugé par contre ton opinion, j'ai que la vie s'édaille. Rataille, c'est qu'un détail. Mais moi, il m'a cliqué de sang froid. On s'en fort quand on se dit que il faut qu'on s'en sort, frères et sœurs. Mal de mauvais regard que l'on nous pend, frères et sœurs. Maintenant, il faut que l'on se concerte. Utiliser la haine que notre cœur conserve. La violence au corps que nous pend, on crée. Sois sûr, ce qu'on est quand on est prêt. C'est la vie. On l'a pas choisi, on vit ce qui nous est prescrit. C'est la vie, s'en sortir par n'importe quel moyen, c'est notre esprit. C'est la vie, dans nos cœurs la dictature de la haine nous affaiblit. C'est la vie, établi contre ce pays, a créé des conflits. C'est notre vie, notre peine, notre haine, notre merde. Dans ce monde de chiens, c'est les seules choses qui nous reviennent de droit. Eh ouais, qu'est-ce tu crois? On n'est pas né avec un jet ou un M3. Ne serait-ce que pour manger, faut qu'on galère tous les jours. Ça se tape au ch'tard, ça fait des allers et retours. C'est notre vie, une vie de chien, mais c'est la nôtre. C'est chaud de la traverser sans commettre de faute. C'est notre vie, et c'est pas de la changer. On est né comme ça, la rue nous a élevés. C'est notre vie. Et quoi que tu fasses, malgré tous les rageux, on aura toujours notre place. C'est notre vie, et pas celle d'un autre. C'est la seule chose qui nous appartient en outre. C'est la vie. Des rimes, du sang-froid, des textes trop profonds, on relate ce qu'on voit. C'est la vie. On l'a pas choisi, on vit ce qui nous est prescrit. C'est la vie. S'en sortir par n'importe quel moyen, c'est notre esprit. C'est la vie. Dans nos cœurs la dictature de la haine nous affaiblit. C'est la vie, établi contre ce pays, a créé des conflits. Je viens de censer comme tous ces nénés, je débarque dans l'île, t'impute comme un imposteur. Et en moins de 10 minutes, cousin, je m'en fais craquer au poster. Alors teste aucun gars de ma sup que des grosses postures. Un teint par pire que la peste, le symptôme de l'euro qui touche tous les types de ma tête, du plus dur au plus gros. À croire que le salon titre sans finir au barreau. En gros, esquiver les blèves, bro. Parce que la poisse nous guette. Ne lui tombe pas le dos, frérot, parce que cette chaîne est traite. Je te dis ça alors qu'en fait, dans ma tête, c'est la guérilla. Mes neurones se pètent à base de grosses bouffées de cette là. Si je suis pas chez moi, je peux être que dans mon avenue. En train de refourguer mes barrettes ou prendre cible et pustu. Toi-même, tu sais, un gros éo. Sans aucune limite, tant que le putain est gros. J'ai du vice et un surplus d'ambition. Aligne le montant de la recette et je te cherche pas en mission. Plus de réflexion de ma part. Si tu sais qu'il y a de l'argent à prendre, pense en faire pas. Tout dit prime de sang-froid sur un coup bleu bien misère. Mon frère, j'en place une pour tous mes frères. En mes fers plates, escolte, pose-moi un sosso. Garde le moral, la tête haute.